Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire, les animaux et nous, l'histoire d'une relation aux frontières mal définies, des relations faites d'énormément d'amour et hélas parfois de maltraitance. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 23 novembre 1900, 1900 pas du tout, 1646, le philosophe René Descartes se trouve à Egmond, ça se trouve aux Pays-Bas, quand il écrit au marquis de Newcastle. Ils échangent sur le langage, seul apte à exprimer la pensée. Descartes écrit « Les hommes ont un empire absolu sur tous les autres animaux ». Il constate surtout que les animaux n'ont pas de langage. Il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions. Oui, les animaux ne parlent pas pour Descartes. L'animal ne parle pas, donc il ne pense pas, donc l'animal est une machine, comme un robot avec de la chair et du sang, oui sans doute, de la douleur parfois, mais qui n'est que l'expression d'une mécanique qui se grippe. Oui, mais voilà, c'était Descartes, c'était le XVIIe siècle, c'était loin tout ça. Depuis, les choses ont changé. L'animal n'est pas simplement une machine. Quoique, lisons le Larousse agricole à l'article agriculteur. Agriculteur, c'est en 1921, donc au XXe siècle. L'éleveur a pour but d'obtenir, suivant les circonstances et les milieux, des machines animales aussi aptes que possible à bien remplir les fonctions auxquelles on les destine. Oui, l'animal est encore une machine en 1921 dans le Larousse agricole. Et aujourd'hui, qu'en est-il de l'animal ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à notre relation avec les animaux. Nous avons regardé le panthéon égyptien qui pourrait ressembler à une ménagerie, mais qui ne l'est pas vraiment. Nous avons jeté un œil sur le bestiaire médiéval. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Ça, c'est la baladodiffusion. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la relation que nous entretenons avec l'animal. Ce moment fascinant que représente le XVIIIe siècle, où le regard porté sur l'animal évolue. Et pour en parler avec nous ce matin, Pierre Cernat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université Paris 1, et vous vous êtes intéressé à l'animal. Alors, avec des ouvrages qu'il faut citer, hein. Vous avez écrit « Comme des bêtes », j'adore ce titre, « Histoire politique de l'animal en Révolution, 1750-1840 », c'est chez Fayard. Et puis vous avez également écrit « L'animal en République, 1789-1802 », Genèse du droit des bêtes, c'est aux éditions Anacharsis. C'est très intéressant, Pierre Cernat, parce que vous êtes spécialiste de la Révolution française. Votre dernier ouvrage, Que demande le peuple, histoire des cahiers de doléances, c'est la Révolution française. Dites-nous, dans ces cahiers de doléances, est-il question des animaux ? Oui, bien sûr. Il est question des animaux, mais de façon assez paradoxale, puisque la plupart des cahiers de doléances sont rédigés par des Français dans leur majorité des paysans, et ce qu'ils réclament, c'est surtout le droit de chasse. Donc là, c'est un petit peu paradoxal par rapport à l'attention que l'on voudrait porter aux animaux, mais l'on voit immédiatement comment l'animal est un élément politique, fait partie de la cité et devient un enjeu politique, évidemment, par rapport à 1789. Mais auparavant, bien évidemment, il y a eu trois révolutions. On parle de la révolution politique, mais au XVIIIe siècle, je crois qu'il faut évoquer trois révolutions et prendre à contre-pied votre proposition initiale. La vraie question au XVIIIe siècle, subversive, dérangeante, c'est « les hommes sont-ils des animaux comme les autres ?» Avant de parler des animaux comme des gens, la question que se posent Linné, Buffon, les autres naturalistes, c'est de savoir où placer l'homme dans le règne animal. Et c'est là une vraie révolution épistémologique, voire même philosophique, puisque cela veut donc dire que l'homme est le premier des animaux, mais il n'est plus simplement de nature divine. Et donc ça veut donc dire que s'il est le premier des animaux, il a aussi des responsabilités vis-à-vis des animaux. Pierre Cernat, à vous écouter, nous saisissons combien étudier l'animal dans l'histoire permet d'étudier l'homme et notamment les modes de pensée. Cette relation à l'animal est essentielle, mais il peut être possible, et ce n'est pas évident, de faire un changement de point de vue, de regarder l'histoire du point de vue de l'animal. C'est ce que vous avez voulu faire, Éric Baratet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3. Vous êtes spécialisé dans l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. Alors, parmi vos ouvrages, et L'homme créa l'animal, qui a été publié chez Odile Jacob, Biographies animales, des vies retrouvées aux éditions du Seuil, et Point de vue de l'animal, une autre version de l'histoire également au Seuil. Éric Baratet, quelle est cette démarche, en fait, de regarder l'histoire du point de vue de l'animal ? C'est pour essayer de mieux comprendre les choses. J'ai beaucoup travaillé du côté humain, c'est-à-dire comment les hommes pensent les bêtes et comment ils les traitent. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais on comprend bien les hommes, mais on comprend pas ce qui se passe de l'autre côté. Or, si nous sommes dans une relation des hommes et des animaux, il faut essayer aussi de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et en fait, il y a une dynamique incessante entre les uns et les autres. Et si on va parler de la question de la protection, eh bien, on le voit bien dans cette question de la protection. Les protecteurs sont très sensibles à ce qui se passe du côté des animaux, aux signes de détresse, au langage, contrairement à ce que dit Descartes. Les animaux ont des langages. Évidemment, ce n'est pas le langage humain. Si on réduit le langage au langage humain, évidemment, il n'y a que l'homme qui a le langage. Mais si on a une définition plus large, tous les animaux ont des langages. Et il y a des gens qui sont sensibles à ça. Donc, se demander, essayer de voir ce qui se passe du côté de l'animal, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe du côté des hommes. Oui, ça c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Et justement, Pierre Cernat, vous êtes historien de la Révolution française. Vous avez étudié les élites de la Révolution. Vous avez réfléchi sur ces êtres humains qui font la Révolution. Comment en arrive-t-on à étudier l'animal ? Bien, tout simplement parce que il y a en fait, on revient au XVIIIe siècle, un petit peu avant la Révolution, et non pas pour l'oublier, mais pour mieux comprendre l'assise et la façon dont la transformation de la représentation du monde et des vivants et des animaux, car il y a des animaux partout. Sous l'Ancien Régime, il faut imaginer dans Paris 60 000 chevaux, il faut imaginer dans Paris des dizaines de milliers de veaux, de vaches, de moutons qui rentrent chaque année, donc encore plus à la campagne. Deux phénomènes vont être fondamentaux qui vont transformer la relation de l'homme à l'animal. D'abord, le traité des sensations, la philosophie de la sensation. L'homme est un être de sensation et la sensation n'est pas simplement animale, la sensation est intelligente. Parce que la sensation, en fait, provoque la mémoire et la mémoire provoque le langage. Et donc, le traité des sensations de l'abbé de Condillac en 1754, suivi du traité de l'animal, ce n'est pas un hasard, va complètement transformer le rapport qu'on peut avoir, pour ceux qui ont un accès à la culture, à l'animal. Et cette sensation amène à la sensibilité. Et ce terme de sensibilité est fondamental. Vous avez l'historienne américaine Lynn Hunt ou l'historien australien David Garriock qui ont travaillé sur la transformation du sentiment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'amitié, la tendresse, la complicité, l'amour également, donc, qui vont apparaître comme des éléments aussi très forts dans la structuration d'une transformation d'une relation au monde. Et à l'intérieur de ces sentiments-là, bien sûr, arrive le regard sur l'animal. L'animal est un être sensible, il souffre, il peut aimer, il peut marquer des marques, il peut démontrer des marques d'affection, et il devient important de l'observer, de le regarder, de le figurer également, et de le représenter. Voilà pourquoi, s'il ne parle pas, il est constamment présent aux yeux, dans une culture visuelle des hommes et des femmes du XVIIIe siècle. Oui, il est doublement présent dans cette culture visuelle. Vous l'avez évoqué, Pierre Cernat, cela ne concerne pas tout le monde, l'accès aux ouvrages de réflexion, de philosophie. Mais l'animal, en revanche, est partout. Et cette observation de l'animal transcende la société. Les gens connaissent les animaux par la proximité. Et puis, ce XVIIIe siècle, c'est également le moment où les naturalistes observent les animaux. Éric Baratet, peut-on dire que l'on connaît mieux les animaux au XVIIIe siècle au sens où les scientifiques, Buffon et tant d'autres, se penchent sur le règne animal ? Oui, tout à fait, bien sûr. Avec un bémol, c'est qu'ils s'intéressent avant tout à l'anatomie, à la morphologie. Ils sont relativement peu nombreux à s'intéresser au comportement. Buffon le fait, il s'intéresse au comportement, mais Aliné néglige cela. Et c'est beaucoup plus intéressant chez des naturalistes praticiens. Je pense notamment à un philosophe chasseur, à la fois passionné d'histoire naturelle, c'est Georges Leroy, qui va beaucoup travailler sur les ruses des animaux. Et il voit très bien, justement, cette indépendance des animaux, cette initiative. Et comment, et notamment, par exemple, il parle des ruses des animaux vis-à-vis des chasseurs, comment les animaux évitent les pièges que les chasseurs leur tendent. Et là, on a une approche beaucoup plus fine des animaux que, par exemple, chez un linné qui, entre guillemets, se contente de l'anatomie ou de la morphologie. Il n'empêche, comme l'a dit Pierre Cernat, qu'en s'occupant de l'anatomie et de la morphologie, on peut montrer évidemment la très forte proximité entre le corps humain et le corps des animaux. Hein. Donc c'est bien ce qui a été dit, là il y a une révolution absolument importante. Oui, Éric Baratet, il faut le souligner, cette question est majeure d'ailleurs, et c'est une question qui explique la relation à l'animal. L'homme est-il un animal ? C'est la question que l'on peut se poser au XVIIIe siècle. Pierre Cernat, il y a des éléments de réponse ? Quel est le débat en fait qui se met en place à ce moment-là ? Mais c'est un débat en fait qui est tout à fait intéressant parce que c'est le débat qui va précéder la grande révolution darwinienne. Et donc la véritable question avec la découverte de nouveaux continents, la recherche du continent austral, c'est bien évidemment la découverte, la sidération de populations tout à fait différentes, bien évidemment. Donc une réflexion sur la nature d'abord des hommes, la question du polygénisme, donc y a-t-il plusieurs races humaines ou du monogénisme, et avec cet intrus absolument sidérant pour les naturalistes qui va être Laurent Houtan comme étant en fait une des découvertes les plus importantes, et ce singe à visage tellement expressif avec cette poitrine sans poils interroge beaucoup les naturalistes, bien évidemment. Donc se pose déjà bien évidemment la question d'une chaîne éventuelle, et aussi se pose la question éthique. Qu'est-ce que c'est que travailler comme un animal ? Qu'est-ce que c'est aussi que faire comme un animal ? Et là, c'est là que, dans la France, qui est un grand empire colonial, et c'est ce qui m'a intéressé, après avoir travaillé sur les élites, un petit peu comme Éric Baratet, je suis allé essayer d'aller voir du côté des autres, c'est-à-dire des plus silencieux, ceux qui ne disent rien. Parce qu'il y a des humains qui ont la parole, mais à qui on ne la donne jamais. Et ceux-là aussi sont intéressants. Et ceux-là, on les fait travailler comme des bêtes, d'où le titre du livre. Et donc, je me suis rendu compte que pour beaucoup de contemporains du XVIIIe siècle, il y avait, en fait, une zone d'infra-humanité, ce que j'ai appelé une zone d'infra-humanité, qui était évidemment passionnante à étudier et dangereuse idéologiquement. On peut voir ce que on peut en faire deux siècles après, où certains se posaient la question de la proximité entre certains hommes et certains singes. Et là, nous sommes sur des questions fondamentales sur où s'arrête l'humanité, oui. Où commence le monde animal. Oui. C'est quelque chose de très sensible. Ce que j'aime beaucoup à vous écouter, Éric Baratet et Pierre Cernat, c'est que nous parlons souvent de Darwin, qui met en place la théorie de l'évolution des espèces. Mais Darwin ne se réveille pas un matin en découvrant ça. Il est le fruit de siècles de pensée, notamment du XVIIIe siècle, où, en plus de la réflexion de la frontière entre l'homme et l'animal, il y a la réflexion entre la frontière entre l'animal et la bestialité. C'est tout un questionnement qui se met en place au XVIIIe siècle, Éric Baratet. Oui. Qu'est-ce qui est humain ? Qu'est-ce qui est animal ? Qu'est-ce qui est bestial ? Tout à fait. Et cette idée-là de la différence entre l'homme et l'animal, en fait, c'est une, pour prendre un peu de recul, c'est une idée avant tout occidentale. Parce que nous vivons, et Pierre Cernat l'a dit tout à l'heure, nous vivons dans une civilisation occidentale qui a une vision pyramidale du monde des vivants. Ça a été théorisé pour la première fois chez les philosophes grecs de l'Antiquité. Sans doute, c'était une pensée bien plus ancienne. Mais il y a l'idée que finalement, le monde, au moins le monde des animaux, avec l'homme au sommet, c'est une pyramide, l'homme au sommet. Et plus on descend, et plus vous avez des animaux, et plus ces animaux sont rudimentaires. Et cette vision hiérarchisée, pyramidale, inégalitaire, elle est née dans la Grèce antique, qui est qui était une société assez inégalitaire, où l'on pensait citoyen libre et esclave, où on faisait de grandes différences entre l'homme et la femme, entre les Grecs et les barbares, et on les a fait aussi entre les hommes et les animaux. Et comme l'a dit Pierre Cerna, dans cet étage supérieur de l'homme, eh bien, il y a toujours eu la tendance d'installer des sous-étages. C'est-à-dire, est-ce que dans cet étage de l'homme, il n'y a pas des sous-étages? C'est-à-dire, proche du singe, eh bien, il y aurait le noir, et puis un peu au-dessus, l'indien, puis l'asiatique, et puis l'européen tout en haut. Et cette vision pyramidale nous questionne beaucoup, alors qu'elle n'est pas présente dans d'autres civilisations où la distinction entre l'homme et l'animal n'est pas une question. Un singe est un singe, un homme est un homme. Nous, on est véritablement taraudés par ça. Et la question, comme l'a dit Pierre, elle est particulièrement forte au XVIIIe siècle, parce qu'on a finalement la confrontation entre deux pensées. C'est la pensée de Descartes dont vous avez parlé en introduction, et puis la pensée de Condillac, mais aussi la pensée de Locke du côté des Anglais, qui a été extrêmement importante. Et ces deux pensées rentrent un peu en confrontation au XVIIIe siècle. Oui, il y a vraiment débat d'un côté avec Descartes et son animal-machine, et puis Locke qui a une toute autre réflexion sur ce qu'est l'animal. Et Éric Baratet, vous avez évoqué l'Antiquité, parce que ce sont des réflexions qui s'étendent sur des millénaires, au sens où nous sommes héritiers des penseurs du passé, et la lecture de la place de l'animal dans la société et de son rapport à l'homme passe par les fables antiques. Donc les fables de La Fontaine au XVIIe siècle, où l'homme est sans cesse en confrontation avec l'animal, et souvent d'ailleurs l'homme est confondu avec l'animal. Je vous propose d'écouter Béatrice Betty qui nous lit une fable de La Fontaine. Cette fable, c'est l'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. « Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers... C'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fût-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats. Être bon ou méchant, c'est être sot. Meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ses lois. Condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent. C'est l'homme. Le symbole des ingrats, c'est l'homme. C'était en 1957 sur l'ORTF. Béatrice Betty qui récitait une fable de La Fontaine. L'homme et la couleuvre. Il y a un lien qui se fait constamment entre l'homme et l'animal par des comparaisons. L'homme est comparé, alors s'il est souverain, au lion, bien sûr, ça arrive très vite. Et puis, s'il travaille et qu'il a des difficultés dans son champ, c'est sous le joug qu'il est comme un bœuf. Eh bien, Pierre Cerna, il y a tout un jeu de lecture de la société à travers le monde animal qui se met en place. C'est quelque chose qui est une évidence aussi au XVIIIe siècle. On observe le monde animal et il est calqué, comme on voit dans les fables de La Fontaine, à la société. Je rappelle évidemment que la première exposition nationale dans le Louvre, qui est devenu le palais donc que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le premier musée national d'art classique, est consacrée au dessin de Lebrun, qui avait reproduit donc à partir des dessins de Della Porta du XVIe siècle ces physionomies donc humaines qui pouvaient ressembler à tel ou tel animal. Nous sommes en 1797, donc le Parisien peut aller visiter ce musée. Ça peut l'amuser parce qu'au bout, déjà la scénographie est en place dans les expositions. Il y a un miroir au bout de l'exposition pour que chacun puisse imaginer à quel animal il peut ressembler, ce qui offusque Louis-Sébastien Mercier, l'observateur des Parisiens, et qui dit « c'est une honte qu'on puisse se comparer à des animaux, et non pas parce qu'il est contre les animaux, mais parce qu'il est respectueux de la nature différente des animaux. Et en fait, sous la Révolution, on est en fait en une forme de redéfinition, bien sûr, d'un nouveau rapport à l'animal, puisque vous m'interrogez sur cette question-là. Non pas simplement par rapport au jeu des caricatures, bien sûr, qui vont user tant et plus des animaux, décrédibiliser pour attaquer son adversaire. Et dans un temps de guerre civile, l'animalisation, non pas la bestialisation, mais l'animalisation de l'adversaire va permettre d'aller à des niveaux de violence inouïs, qui sont celles des hommes et non pas celles des animaux. Je suis toujours étonné qu'on puisse dire il est méchant comme un animal, alors que les animaux ne font que reproduire des actes de vie ou de survie, là où les humains tuent par gratuité ou par au moins par jeu ou par défi. Ce qui est important, c'est la loi. La révolution de la loi va tout transformer, au moins en trois dates. D'abord parce que le 26 août 1789, pardon de vous le rappeler, mais quand on dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on parle des animaux. Alors, oui, parce que l'homme, c'est l'homme de nature. Et la révolution, par la loi positive, va en faire un citoyen. Tout le monde a en tête, bien sûr, au moins pour les législateurs, le traité sur les inégalités donc de Rousseau. Et en fait, la révolution va faire accéder l'homme de nature à la citoyenneté. Donc il y a une égalité universelle entre tous les hommes. Et cela est insupportable à tous les conservateurs, à commencer par Burke. Quatre ans plus tard, en 1794, le 16 pluviose de l'an 2, le 4 février 1794, on va abolir, plus qu'abolir l'esclavage, on va donner la citoyenneté à tous les esclaves de la veille, c'est-à-dire tous les Noirs qui ont été déportés d'Afrique et qui deviennent immédiatement donc des citoyens. Et sept ans plus tard, l'Institut, qui est la pointe de la science républicaine, va proposer en 1802 un nouveau concours sous la phrase suivante: jusqu'à quel point les mauvais traitements vis-à-vis des animaux ont un rapport avec la morale publique? Et deuxième question, faut-il légiférer sur ce point? Alors si on rapproche ces trois dates qui font de la loi une loi englobante, protectrice, et qui reconnaît en fait une mêmeté dans l'altérité, on se rend compte en fait que, en y regardant bien, la question de l'animalité, dans le sens le plus digne qui soit, a été au cœur de la réflexion politique de la Révolution. Éric Barathe, Pierre Sarna vient de nous faire ce panorama en trois dates, mais qui est troublant parce que nous sommes sous la Révolution et nous associons souvent la protection de l'animal au milieu du 19e oui. siècle. Mais il y a déjà là, tout est en place pour réfléchir à cette protection animale. Comment relisez-vous la redéfinition de la relation entre l'homme et l'animal qui se met en place au 18e siècle et qui aboutit à ces trois dates que vient de nous rappeler Pierre Sarna? Ben pour comprendre ces trois dates, il faut aussi parler des hommes. Pierre l'a bien montré. Vous avez par exemple quelqu'un comme l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, il est évidemment à l'initiative où il prend part à l'abolition de l'esclavage. Il est aussi plus ou moins à l'initiative du concours de 1802. Et on retrouve la même chose en 1850 avec... lorsqu'on vote la loi Gramont, la première loi de protection des animaux, eh bien, l'un de ceux qui soutient à l'Assemblée nationale le vote de cette loi, alors que le projet est fortement chahuté, aussi bien à droite qu'à gauche, c'est Victor Schœlcher. Victor Schœlcher qui vient de faire réabolir l'esclavage. Et donc, on a, je pourrais dire concrètement avec ces gens-là, on a cette union, cette conjonction des approches qu'a évoqué Pierre Sarna. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que on pourrait avoir du mal à le comprendre en abordant uniquement les idées, mais en abordant les hommes, en abordant les trajets individuels, on s'aperçoit qu'on comprend mieux cette liaison entre tout ça, qui peuvent nous apparaître totalement différents. On retrouve aussi des choses comme ça chez Bernardin de Saint-Pierre, qui est à la fois naturaliste, qui sera Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, qui propose un projet de refonte, de création d'un parc zoologique à Paris. Un projet tout à fait moderne où il dit qu'il ne faut pas donner aux, il ne faut pas donner aux citoyens l'image de l'oppression. Donc il propose un espèce de parc zoologique avec des animaux en liberté. Il est très lyrique. On verrait comme ça le soir les animaux, les éléphants aller se baigner dans la Seine et revenir. Et il y a vraiment ce parallèle entre les citoyens libres, qui sont enfin libres, et les animaux qui doivent être libres. Et d'ailleurs, à la même époque, on supprime, on interdit les montreurs d'animaux, on ferme des ménageries ambulantes, etc. Il y a vraiment cette idée d'un parallélisme tout à fait fort. Oui, nous évoquions Darwin qui ne met pas en place la théorie de l'évolution d'un seul coup tout seul. Il est le fruit d'une longue pensée. C'est pareil pour le général de Gramont. Quand la loi est votée en 1850, c'est là aussi le fruit d'une longue pensée. Et vous l'avez rappelé, Éric Barathet, d'un parcours individuel qui nous intéresse aussi à l'intérieur d'une pensée pour essayer de comprendre l'étrange relation qui unit les êtres humains et les animaux. C'est un chat, comment dire, qui est très particulier, il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. France Culture. Parfois, on n'est pas du tout d'accord, pas du tout. Alors, je me fâche, je l'ai privé de télévision deux fois déjà. Frappe, frappe, petite main. Le cours de l'histoire. C'est bon. Pour nous aussi, votre chat est une personne à part entière. Xavier Mauduit. Mais je vois pas pourquoi on aurait des enfants avec mon mari. Vous croyez pas qu'on est assez nombreux sur Terre comme ça? Reste. Hervé! Oui, les animaux sont aussi parfois des inconnus pour nous. Et justement, en évoquant ces parcours individuels, le général de Gramont, avant de voter sa loi de protection des animaux, avait vu de ses yeux un animal battu. C'est ce qui est raconté, c'est ce que dit l'histoire. Mais peut-être avait-il tout simplement pensé au petit cheval blanc. Vous savez, poème de Paul Fort, chanté par Georges Brassens. Juste du plaisir. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage, il est mort sans voir le printemps, ni derrière, il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. Le petit cheval blanc, poème de Paul Fort, chanté par Georges Brassens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet, dans le cours de l'histoire, avec cette question, les animaux sont-ils des gens comme les autres, ou bien les gens sont-ils des animaux comme les autres? Ça, c'est la question que nous nous posons. Et nous avons vu avec vous, Pierre Cernat et Éric Barathet, combien ce 18e siècle est essentiel dans le rapport à l'animal, cette évolution particulière, un regard nouveau qui vient des philosophes, des penseurs, mais aussi des scientifique. Pierre Cerna, il y a un rapport autre à l'animal. Peut-on dire qu'il y a une spécialisation des animaux au XVIIIe siècle? Désormais, l'animal n'est plus un tout, mais je prends l'exemple du cheval. Il va y avoir le cheval de trait, il va y avoir un cheval pour être monté. Il y a cette réflexion au XVIIIe siècle? Oui, bien évidemment, et Éric Varté est un des premiers historiens à nous avoir sensibilisé depuis bien longtemps à cette question-là. Il y a la question de l'animal que posent les philosophes, et puis nous, historiens, plus modestement, nous voyons des animaux. Nous voyons des animaux très très très différents les uns des autres. Je crois que la première question qui nous intéresse et qui est d'une triste actualité, mais c'est justement pour cela, et nous vous en remercions, que cette réflexion sur l'histoire est importante, c'est la question de la race. Très tôt, les éleveurs, et notamment les éleveurs anglais, qui sont tout à fait remarquables dans la rentabilité et la productivité, vont essayer de sélectionner les animaux. À partir du XVIe siècle, du XVIIe siècle, donc très tôt, et encore plus au XVIIIe siècle, puisque l'animal est un travailleur. Hein. On n'est pas dans une civilisation où l'animal est un animal avant tout de compagnie. L'animal sert et il travaille. Donc d'abord, il y a deux types d'animaux. Il y a les animaux utiles et les animaux nuisibles. Ceux-là, on leur fait une chasse vraiment épouvantable. Et les animaux utiles, on essaye de plus en plus de les sélectionner. Alors, d'un côté, on peut voir l'aspect que l'on pourrait qualifier de négatif parce que il y a là une pensée racialiste évidente. Quels sont les bons animaux et quels sont les animaux dont on veut se débarrasser. Et puis, il y a une pensée plutôt positive. Je vous donne un exemple. Gilbert, qui est un de mes héros, sous-directeur de l'école de Maison Alfort, l'école vétérinaire de Maison Alfort, sous la Révolution, donc, est un homme donc qui est très, très proche des animaux et qui appelle rarement les animaux des bêtes, jamais même, mais dans la multitude de papiers qu'il nous a laissés, il les appelle le plus souvent les compagnons de travail. Ce sont les compagnons de travail, il faut en prendre soin, il faut les comprendre, il faut les regarder, il faut les soigner, il faut les soigner donc. Et pour Gilbert, qui se sacrifiera puisqu'il va mourir en allant chercher un troupeau de mérinos en Espagne, à ce propos, lorsqu'il assiste à une corrida, il est beaucoup plus soucieux, non pas de celui qu'il appelle le matador, qui a choisi d'être dans l'arène, mais des malheureux chevaux qui se font littéralement donc transpercer, déchirer par les taureaux. Et il a une passion pour le cheval, et il trouve que la barbarie est véritablement là, pas tant dans le combat de l'homme et du taureau, mais dans le sort qui est réservé aux chevaux. Eh bien, on a en fait une grande réflexion, parce que l'animal devient un élément essentiel de l'économie. Il l'est depuis l'Antiquité, mais on commence à le comprendre de façon beaucoup plus importante en prenant conscience du retard de l'élevage français et de la multiplication des épices aussi par rapport à l'Angleterre, avec laquelle on est en concurrence par rapport à l'hégémonie mondiale. Et donc, ça pose toute la question de la faune coloniale également. Oui, parce que nous sentons bien qu'avec l'animal, plusieurs grilles de lecture se mettent en place. Il y a la classification, il y a la hiérarchisation, il y a les races, il y a l'économie, vous le rappelez, Pierre Cerna. Et puis, il y a ce regard porté par les gens. Il est très difficile à saisir le regard en histoire, de toucher ses sensibilités. Pour cela, nous avons les poètes. Les poètes sont toujours formidables. Je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait des Contemplations de Victor Hugo, lu par Daniel Königsberg. Avec Victor Hugo, pour les Contemplations, nous sommes sur une parution en 1856, donc un peu plus tard au XIXe siècle, un regard poétique sur l'animal. Le pesant chariot porte une énorme pierre. Le limonier, suant du mort à la croupière, tire. Et le roulier fouette, et le pavé glissant monte, et le cheval triste a le poitrail en sang. Il tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête. Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa tête. C'est lundi. L'homme hier buvait au porcheron un vin plein de fureur, de cris et de jurons. Oh, quelle est donc la loi formidable qui livre l'être à l'être et la bête effarée à l'homme ivre? L'animal éperdu ne peut plus faire un pas, il sent l'ombre sur lui peser. Il ne sait pas, sous le bloc qui l'écrase et le fouet qui l'assomme, ce que lui veut la pierre et ce que lui veut l'homme. Daniel Königsberg qui lit un extrait des Contemplations de Victor Hugo. Éric Baraten, nous l'entendons bien, avec Victor Hugo, il y a une sensibilité, mais avec d'autres, avec le général de Gramont par exemple, sur la souffrance animale. Comment cette idée de souffrance se met en place? Nous avons bien compris que de l'animal-machine, vanté par Descartes au XVIIe siècle, nous sommes passés à une autre relation à l'animal. Mais sur la réflexion de la souffrance animale, ce n'est pas simplement de dire « nous détruisons notre outil de production ». Ce qu'on vient d'entendre avec Hugo, ça va plus loin. Oui, les choses sont beaucoup plus, sont très complexes en fait. Et je trouve que le poème de Victor Hugo est tout à fait est beau parce qu'il montre bien ces différents niveaux. Vous avez ce qu'a dit Pierre Cernat, c'est-à-dire toute la révolution agricole, toute la révolution industrielle de la fin 18e et du 19e siècle en France et en Europe sont basées sur l'exploitation du monde animal, le développement de la boucherie, le développement de l'industrie textile, etc., etc. Et ça entraîne des situations où il y a énormément d'animaux, beaucoup d'animaux traités d'une manière assez brutale. Bien souvent, par exemple, si on prend le cas des chevaux en ville, on s'aperçoit que cette vulgarisation encore plus forte qu'auparavant des chevaux fait que il faut employer des cavaliers, il faut employer par exemple des conducteurs de charrettes, et ces gens-là ne sont pas toujours sensibles et ne comprennent pas toujours les animaux. Et donc on voit se diffuser une certaine violence vis-à-vis, on le voit bien dans les textes. C'est ce qui fait par exemple qu'il y a une explosion de la castration des chevaux au 19e siècle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser par exemple des étalons, et donc ils préfèrent des hongres, qui sont beaucoup plus dociles, qu'on peut mieux maîtriser. Ça fait un peu comme au XXe siècle, lorsqu'il va falloir, la population va devoir apprendre à conduire et à maîtriser sa voiture. Et des fois, on lui donne des coups de pied parce qu'elle nous énerve. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les chevaux à l'époque. Et c'est tout ce spectacle qui va renforcer ce mouvement de compassion. Et Victor Hugo en est bien l'exemple, ce mouvement de compassion. Et alors, le discours sur la douleur, il est très particulier parce qu'on voit bien qu'il a du mal à se mettre en place. On le voit bien dans la première moitié du 19e siècle, on le voit bien dans le concours de l'Institut dont a parlé Pierre Cernat, on le voit bien à l'époque de la loi Gramont. On essaye de le faire passer par des anecdotes. Ah, j'ai vu un cheval qui est mort de faim. Ah, j'ai vu ce veau dont le boucher lui avait gorgé crevé les yeux, etc., etc. Et ce discours par l'anecdote, à la fois, il montre bien qu'il y a une émotion qui est là. Hein, c'est l'homme sensible qui devient sensible à la souffrance. Et en même temps, on a du mal à en parler de cette souffrance uniquement. On n'en parle que par l'anecdote. Et cette anecdote est très mal reçue. On le voit très bien lors des débats parlementaires sur la loi Gramont. Le général Gramont arrive, pour justifier sa loi, il développe toute une série d'anecdotes. Et ça déclenche l'hilarité, ça déclenche les oppositions, ça n'est rien, c'est pas important, c'est négligeable, etc. Et donc il va falloir tout un discours, petit à petit, pour passer de la notion d'anecdote, méprisable, anthropomorphique, etc., à un véritable discours sur la douleur de l'animal et sur la sensibilité de l'homme. Et ce discours, on le voit vraiment se développer dans la seconde moitié du 19e siècle. Et il prend vraiment la première place après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Quand on regarde les tentatives de réforme de la loi Gramont, parce qu'on considère qu'elle ne va pas assez loin, eh bien, à partir de la Première Guerre mondiale, ou plutôt après 1918, alors là, on a un discours beaucoup plus, qui se veut beaucoup plus philosophique, beaucoup plus scientifique, sur la souffrance, sur la douleur. Mais il a fallu du temps pour l'exprimer, ce discours, et puis surtout, il a fallu du temps pour le faire admettre. Et là, on a le rôle fondamental de ces écrivains qui, vous avez cité Victor Hugo, mais il y a aussi Zola, il y a Maupassant, il y a tous ces gens qui, au 19e siècle, mais on en trouve déjà, Pierre Cernat en a parlé au 18e siècle, des gens qui font le lien entre la défense des animaux, la défense des enfants, la défense des ouvriers, en clair la défense des opprimés. Et on voit bien ça chez Victor Hugo dans Les Misérables. Et tout est fait. Chez Zola, effectivement, dans Germinal, le passage sur le cheval dans la mine, c'est vraiment c'est un moment saisissant avec quelque chose sur la chronologie qui intrigue. 1850, la loi Gramont de protection des animaux, c'est sous la Deuxième République, et Pierre Cernat, vous nous avez évoqué en 1802, donc là, on est encore sous la Première République, 1802, oui. Ce concours, cette réflexion autour du droit des animaux. En fait, la réflexion sur le bien-être animal passe plutôt par une réflexion sur le droit. C'est le droit qui met en place le questionnement. Et puis, la réflexion s'étend dans la société sur le bien-être. Alors, il y a des problèmes assez complexes qu'a déjà soulevé Éric Baraté, sur lesquels je voudrais revenir parce que on est là sur un processus séculaire, évidemment, donc, et dans lequel nous ne sommes pas sortis, on le voit bien, les milliards d'animaux fracassés dans l'industrie alimentaire pour donner une mauvaise nourriture aujourd'hui montre à quel point nous ne sommes pas sortis de ce problème-là. En réalité, et on le voit bien, les écrivains, d'accord, bien sûr, évidemment, bien sûr, ils sont le fer de lance. Mais dès 1795, en fait, dans la Révolution française, se pose en fait deux lignes qui, à mon avis, sont intéressantes pour sentir cette sensibilité, dont d'ailleurs Éric Baraté est un des spécialistes. Il y aura soit les mœurs républicaines, soit le catéchisme catholique régénéré. C'est-à-dire que il faut comprendre le monde et la violence dans lequel on est, un monde de guerre civile, de guerre mondiale, avec l'Angleterre, avec les guerres révolutionnaires, hein, pas plus les Vendéens que les Républicains ne sont tendres les uns avec les autres, les Anglais ou les Français, et ainsi de suite. Cette guerre mondiale va durer de 1792 à 1815. C'est un monde de violence. Et dans ce monde de violence, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et donc certains républicains vont se dire, mais il faut sortir rapidement de cela, il faut inventer des mœurs républicaines. Et il y a deux manières d'améliorer la société. Soit l'éducation, donc on s'intéresse beaucoup aux enfants violents. L'enfant n'est pas simplement ce petit personnage idyllique, angélique. On s'intéresse beaucoup aux violences que les enfants peuvent perpétrer contre les animaux. Donc il y a tout un programme éducatif républicain qui va le mettre en place. Et puis il y a des chrétiens, j'allais dire régénérés, notamment l'abbé Grégoire dont Éric Baraté a parlé, qui prennent conscience que le christianisme renouvelé, à l'aune des droits de l'homme, peut aussi amener pas simplement l'idée du compagnon de travail, comme les républicains, mais l'idée du frère inférieur. L'animal est un frère inférieur, et on va essayer de le porter. Alors bien sûr, se posent deux questions. Est-ce que la loi est là pour imposer une norme à laquelle la société va devoir se conformer ? C'est toujours très long. Ou bien est-ce qu'il faut réformer les mœurs ? C'est aussi très très long. C'est aussi très très long, Pierre Cernat. Et effectivement, je suis content que vous évoquiez l'aspect religieux de cette question. C'est enquiquinant, vous êtes passionnant, l'un et l'autre, alors le temps passe. Mais il faut quand même évoquer, Éric Baraté, ce rapport de la religion à l'animal dans le Bestiaire médiéval, une émission que vous pouvez réécouter hein, sur franceculture.fr. Eh bien, on a évoqué ce bestiaire médiéval, les animaux créatures de Dieu. L'Église les a un peu oubliés, ces animaux, avant de les retrouver. Le 19e siècle est vraiment un moment où l'Église retrouve les animaux. Oui, elle avait beaucoup oublié les animaux au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. C'est l'effet du rationalisme, du cartésianisme. La théorie de l'animal-machine plaît beaucoup dans le clergé lettré parce que on y voit un moyen de bien distinguer l'homme de l'animal. Alors, il faut voir aussi que pour ce clergé de l'époque, il y a la volonté de réagir aux premiers libertins, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent en question la prédominance de l'homme. Et donc, il y a vraiment une réaction. Et cette réaction, elle n'est pas que catholique. Hein, on la retrouve aussi chez les protestants, qui sont même à la pointe au XVIIe siècle de la dévalorisation des animaux. C'est ce qui fait que quelqu'un comme saint François est littéralement traîné dans la boue. Hein. J'avais trouvé un texte d'un récollet défroqué, converti au protestantisme, qui a écrit un livre au début du XVIIIe siècle intitulé « Les stupidités du catholicisme ». Et il prenait deux exemples, la virginité de Marie et saint François parlant aux animaux. Et là, il y a vraiment une dévalorisation extrêmement forte qui va durer jusqu'au début du 19e siècle. Et là, des prêtres qui viennent souvent d'ailleurs beaucoup plus du monde rural que le clergé du XVIIe siècle et le clergé des Lumières, qui était beaucoup plus urbain. Ce clergé d'origine rurale va effectivement faire un retour vers les animaux, vers la nature. Et on trouve des prêtres tout à fait étonnants, même plus loin que ça. Vous avez par exemple le cardinal Donnet, qui est à Bordeaux, et qui, sous le Second Empire, se répandent partout pour développer une véritable protection animale et une véritable protection chrétienne. Et le curé d'Ars tout à fait, mais ça reste quand même très très minoritaire. Hein. La plupart restent dans une vision, si ce n'est cartésienne, ou au moins d'exploitation tout à fait légitime. Alors il y a toujours la question de effectivement, comme l'a dit Pierre Cerna, la question de du débordement. Hein, on se rend compte quand même dans le clergé, que si on laisse les choses se déborder, il va y avoir un tel déchaînement de violence que ça pourrait retomber sur l'homme. C'est la chose qui retient le clergé. Mais ça reste quand même très marginal. Ça reste marginal. Et puis, Pierre Cerna, on est bien d'accord que cette étude sur les animaux doit se faire sur le temps long, parce que il y a des évolutions différentes entre le moment d'une vote du loi, qui est une journée, on va dire, et puis l'évolution des sensibilités. Nous sommes sur deux temporalités. Donc c'est pour ça, il y a les moments courts à étudier, puis les plus longs. L'histoire politique de l'animal en révolution, 1750-1840, comme des bêtes, ça c'est votre ouvrage. C'est intéressant de voir ces temporalités différentes. Oui, l'animal est un être brodélien, si je puis dire. Il adore le temps long, effectivement, pour changer. Et je crois qu'il faut... Mais désormais, je crois que nous sommes dans l'urgence. Il y a des temps longs et il y a des moments d'urgence. Et je crois qu'il est urgent de changer notre rapport à l'animal. Et c'est pour ça que l'on voulait, dans le cours de l'histoire, évoquer cette histoire des animaux avec, vous deux, Eric Baratet, le point de vue de l'animal, une autre version de l'histoire, c'est au seuil, et puis vous, Pierre Cerna, l'animal en République, aux éditions Anacharsis, voir l'animal sur le temps long pour comprendre le temps présent avec l'urgence que vous soulignez. Merci beaucoup à vous deux, et il est temps, dans le cours Merci. De l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, mais que faire de nos ruines ? Les commémorations nous rappellent régulièrement les passés qui feraient sens encore aujourd'hui. Mais ces moments sont l'occasion de débats parfois féroces et les détails peuvent être déterminants. On se souvient de la polémique au cours de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale en novembre 2018, lorsqu'il avait été question de rendre hommage aux maréchaux français qui avaient contribué à la victoire. Rendre hommage aux maréchaux, c'était un détail auquel peu de citoyens prêtaient vraiment attention. Tout aurait pu se passer dans l'indifférence générale, à ceci près que figure toujours parmi eux le maréchal Philippe Pétain. Scandale. Pouvait-on rendre les honneurs au chef de la collaboration d'État sous l'occupation allemande ? Sa trajectoire pendant la Deuxième Guerre mondiale gâchait sa bonne réputation gagnée au cours de la Première. Si le parcours des hommes célébrés peut briser leur postérité, qu'en est-il des lieux et plus particulièrement des ruines ? À la fin de la guerre, Franco veut faire de ces ruines un témoignage, espérant dénoncer les exactions de ses adversaires et masquer les nombreux crimes commis par son propre camp. Le village est laissé en l'état. Depuis peu, des visites guidées ravivent la mémoire des lieux. Elles ont attiré 30 000 personnes l'an dernier. Dans son ouvrage « Belle Cité, ruines fantômes de la guerre d'Espagne », Stéphane Michonneau nous raconte l'histoire du premier village martyr conservé de l'histoire européenne. Situé à 40 km au sud de Saragosse, Belle Cité est passé de main en main à partir de 1936, sous domination franquiste et républicaine, au gré des victoires militaires et au prix de son existence même. La singularité de ce site tient dans ce que Franco a voulu en faire après sa victoire. Il a été interdit à quiconque de détruire ou de reconstruire le bourg qui se devait, à travers ses ruines, de représenter la mémoire de cette guerre, interprétée selon la mystique franquiste comme le symbole de la rédemption espagnole après la tentation républicaine.